effectivement, je vais vous parler, moi, de classification des substances chimiques, essentiellement les substances. Je ne vais pas rentrer dans les produits, dans la classification des produits chimiques. Je vais rester vraiment sur la procédure de classification des substances chimiques au niveau européen, pour faire un petit descriptif assez général de la manière dont ça fonctionne, et puis que vous puissiez, tout au long de cette journée, après remettre en perspective un petit peu les différentes présentations qui vous seront faites au cours de cette journée. J'ai fait une tentative tout à l'heure, parce qu'en fait, c'était un peu dans l'objectif, dans la commande, d'essayer de mettre un petit peu en perspective la classification CIRC et la classification européenne, qui est une classification réglementaire, hein, c'est un règlement. Donc il y a un volet, enfin, il y a une dimension juridique autour de la classification des substances chimiques au niveau européen, ce qu'il n'y a pas autour de la classification des substances dans le cadre du CIRC. Donc je vais faire vraiment une tentative d'explication de la disparité qui existe parfois entre des classifications du CIRC et une classification européenne, en prenant l'exemple du formaldéhyde, qui est un exemple peut-être le plus marquant de cette disparité. Et en plus, il est relativement récent, puisqu'il y a eu des mises à jour de la classification par le CIRC sur laquelle reviendra Béatrice Secrétan. Et puis une classification en 2012 du formaldéhyde par l'Agence européenne des produits chimiques. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la classification des substances et des produits chimiques, elle est encadrée par un règlement. À la différence d'une directive, le règlement, il est applicable dans tous les pays membres de la communauté européenne, sans obligation de transposition. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, puisqu'il y avait les directives qui régissaient cette classification des substances chimiques, la directive 67-548, qui a été remplacée donc par ce règlement dans le cadre d'une dynamique en fait mondiale de tentative d'harmonisation des critères de classification pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est finalement celle qu'on retrouve, y compris d'ailleurs dans le règlement, c'est le premier considérant, c'est pour assurer une protection élevée de la santé humaine et de l'environnement, ainsi qu'une libre circulation. Ça, c'est un classique, je crois que c'est Béatrice là-bas. Pour assurer donc la libre circulation donc des articles et des produits, des mélanges. Et cette dynamique, c'est la dynamique du système global harmonisé, le GHS, pour Globally Harmonized System, qui finalement offre des outils pour chaque pays qui ont déjà des réglementations ou qui n'en ont pas, pour pouvoir mettre en place dans leur propre pays des réglementations où on retrouve des critères de classification harmonisée et que on ait le même système de communication sur les dangers au niveau mondial. Alors l'objectif de ce règlement, il est d'analyser les propriétés intrinsèques des substances, de permettre d'analyser les propriétés intrinsèques, hein, les dangers de ces substances, d'identifier donc ces dangers et de les classer afin de informer, c'est ça, hein, le premier but de la classification, c'est d'informer les personnes qui vont utiliser ou être en contact avec ces substances, de les informer sur les dangers pour qu'ils puissent prendre toutes les dispositions pour supprimer le risque ou l'éviter, en tout cas se protéger et mettre en place des mesures de prévention appropriées. Alors, dès qu'on parle de règlement, de directive, etc., il y a un champ d'application. Et le champ d'application du règlement, c'est en fait toutes les substances chimiques, sauf les substances radioactives, les intermédiaires non isolés. Alors ça, on y reviendra tout à l'heure au titre d'un exemple. On avait parlé un petit peu du chloracétal C5. Il y a eu des tentatives de faire avancer un petit peu la problématique du chloracétal en essayant de le faire classer, mais j'y reviendrai à la fin assez rapidement. Les intermédiaires non isolés, qu'est-ce que c'est ? Pour fabriquer une substance ou un produit, parfois vous mettez plusieurs substances dans une même cuve pour les faire réagir entre elles, et au moment de la réaction il peut y avoir de manière transitoire des substances qui se forment mais qu'on ne met pas sur le marché volontairement, qu'on ne produit pas volontairement et qui sont donc des intermédiaires non isolés, contrairement à des intermédiaires isolés où c'est ce qui est mis dans la même cuve à l'origine pour après former la nouvelle substance, le nouvel mélange. Voilà. Donc les intermédiaires non isolés ne sont pas compris dans le champ d'application du règlement CLP. Alors CLP, tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est Classification, Labeling and Packaging. je m'utilise l'acronyme CLP, mais c'est classification, étiquetage et emballage des produits chimiques. Alors, il ne s'applique pas non plus aux substances qui sont destinées à la recherche dans le cadre de développement de nouvelles substances et de nouveaux produits. Alors, à condition qu'ils soient utilisés dans des conditions maîtrisées, etc., conformément à l'ensemble des dispositifs qui existent pour encadrer ce genre d'activité. Il ne s'applique pas non plus aux déchets. Donc, les déchets ne sont pas classables, entre guillemets. En revanche, des déchets dangereux, il y a des directives et des réglementations spécifiques pour les éliminer ou prendre des mesures de prévention appropriées lorsqu'il y a des travailleurs, par exemple, qui sont au contact de ces déchets dangereux. Et puis, le plus important, c'est qu'il y a un certain nombre de substances, de mélanges, de préparations qui ne sont pas dans le champ d'application du règlement CLP, notamment les médicaments. C'est ce qu'on appelle les produits à l'état fini qui sont destinés à des utilisateurs. Les médicaments vétérinaires, donc on ne classe pas des préparations, des mélanges médicaments vétérinaires. Ce qui ne veut pas dire que des substances qui vont rentrer dans leur composition, qui ont été classées, n'ont pas d'impact sur ces produits. Mais on ne classe pas les médicaments vétérinaires, les cosmétiques, les dispositifs médicaux. On ne classe pas non plus ce qu'on appelle des articles. Une table, même s'il y a des substances chimiques dedans qui sont dangereuses, on ne la classe pas, la table. Enfin, on ne classe pas les dangers d'une table. C'est un article, en quelque sorte. Mais on ne rentrera pas trop dans les détails juridiques de la définition de ces choses-là. Et on ne classe pas non plus, en tout cas, ça ne rentre pas dans le champ d'application, de la classification et l'étiquetage au niveau européen, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, même quand ils sont utilisés comme additif ou arôme dans ces denrées alimentaires. Bon, voilà les exclusions principales du champ d'application du règlement CLP. Alors, le règlement CLP, il ne définit pas d'exigence de test, c'est-à-dire qu'il définit un certain nombre de critères pour classer. Il explique comment on s'y prend pour classer les substances, mais il ne dit pas qu'il faut produire des informations pour classer, c'est-à-dire qu'on fait avec ce qu'on a, entre guillemets. En revanche, il y a un autre dispositif réglementaire qui s'appelle le règlement REACH, dont vous allez parler beaucoup plus longuement avec Tony Mouzu tout à l'heure dans cet après-midi, qui est le règlement REACH, et qui, lui, c'est un règlement communautaire également, qui régit l'évaluation, en tout cas la production d'informations des substances chimiques qui sont mises sur le marché, des principales substances chimiques mises sur le marché, donc qui régit la production d'informations sur ces substances chimiques et puis la gestion des risques sur ces substances chimiques. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous avez des substances chimiques pour lesquelles on n'a pas d'informations et qui ne sont pas prévues au programme de REACH, par exemple, ou alors pas encore prévues au programme de REACH pour une production d'informations sur les dangers et les propriétés toxicologiques de ces substances, eh bien, il n'y aura pas de classification possible, a priori. Alors voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que également le règlement CLP définit, c'est sa principale caractéristique, la manière dont on va interpréter les données existantes pour classer, donc les degrés de sévérité, degrés de certitude, qui forment ce qu'on appelle les critères de classification. Et puis il régit aussi les différentes règles d'étiquetage. Une fois que vous avez classé, vous avez identifié les dangers de vos substances, il va aussi donner des règles pour la communication des informations relatives à ces dangers sur l'étiquetage, c'est-à-dire sur le bidon. Vous allez avoir une étiquette, comment on classe, et puis quels sont les types de phrases à employer, par exemple, pour prévenir les utilisateurs de ces substances des dangers des substances et des préparations, des mélanges qu'ils utilisent. Alors, la chose importante, je voulais la rappeler, parce qu'on en était à peu ce que régit le règlement CLP, c'est qu'il prévoit également un inventaire des classifications, ce qui est relativement important, puisque lorsque vous êtes un fabricant ou un importateur, vous mettez sur le marché des substances ou des mélanges chimiques, vous allez devoir donc classer vos substances ou vos mélanges en fonction des règles que vous trouvez dans le règlement CLP, mais également vous aurez la l'obligation de communiquer cette classification à travers le registre des classifications qui est tenu par l'Agence européenne des produits chimiques, qui est l'ECHA. Et donc ça rend, si vous voulez, public l'ensemble des classifications au niveau européen, donc qui sont proposées par les industriels eux-mêmes. On reviendra aussi sur qui classe et comment. Alors, le règlement CLP, il prévoit de classer il prévoit les règles pour classer les dangers sur l'environnement, donc les organismes aquatiques, etc. Et sur aussi, c'est les dangers pour la santé humaine. C'est là-dessus que je vais me focaliser plus particulièrement. Et dans le règlement CLP, on trouve 10 classes de dangers qui vont de la toxicité aiguë, la corrosion cutanée, l'irritation cutanée, les lésions oculaires, la sensibilisation respiratoire cutanée, les propriétés mutagènes de cellules, des substances, et en particulier sur les cellules germinales. Donc c'est la capacité des substances à, si vous voulez, modifier la molécule d'ADN ou alors le système qui répare les mutations de l'ADN, les propriétés de cancérogénicité, la toxicité pour la reproduction, donc ça c'est ce qu'on appelle les CMR, les trois, mutagénicité, cancérogénicité et toxicité pour la reproduction, puis une espèce de catégorie, de classe de danger, pardon, je dirais pas fourre-tout, hein, c'est pas vraiment ça, mais tout ce qui n'est pas effet chronique sur la santé suffisamment grave ou irréversible, on va pouvoir disposer donc de la toxicité systémique avec des expositions uniques ou toxicité systémique pour certains organes cibles avec des expositions répétées pour pouvoir les classer dans ces catégories. Donc, on va dire par exemple des atteintes du système pulmonaire, des atteintes au foie particulièrement graves et qu'il faut signaler justement dans l'étiquetage, on va pouvoir les signaler via ces deux classes de dangers qui sont qu'on appelle STOT RE et STOT SE. Donc c'est voilà, ça c'est. Et puis il y a un autre danger, alors danger par aspiration, c'est tout ce qui va concerner l'aspiration des substances chimiques par ingestion, mais c'est aussi surtout pour pouvoir communiquer des dangers, des mesures de médicales quand en fait on a des substances qui sont susceptibles d'être renvoyées, c'est une toxicité ou alors ça c'est un petit peu compliqué celui-là, mais par exemple, pour certaines substances, on conseille de faire vomir pour pas que la substance, agisse trop longtemps et soit pas trop. On limite sa toxicité ou les effets qu'on peut avoir que peut avoir cette substance. Et quand on a un danger par aspiration, justement, le fait que la substance repasse à nouveau par les voies aérodigestives n'est pas forcément très bon pour la toxicité pour ces voies. Donc c'est une classe de danger qui permet également de gérer ce type de particularité. Alors, comment ça se passe quand je vous ai montré les classes de danger ici, donc en fonction des études qu'on a, ce qu'on va faire, c'est pour chaque classe de danger, on va rechercher, je dis « on », ça peut être à la fois, des institutions publiques ou mais surtout, en particulier, celui qui fabrique, importe ou met sur le marché la substance chimique, puisque l'obligation ça incombe en particulier à cette catégorie d'entité. Donc il y a un recueil au préalable de l'ensemble des données disponibles. Je dis bien l'ensemble des données disponibles, c'est pas simplement celles qui sont produites dans le cadre de réglementation REACH, etc. Ça peut être aussi de la publication, des revues à comité de lecture, etc. sur la substance en question. Donc c'est vraiment un recueil de l'ensemble des données disponibles. Il y a une comparaison après aux critères, et on attribue ce qu'on appelle une catégorie de danger. Dans les différentes classes de danger, vous avez plusieurs catégories en fonction de la sévérité du danger. Et puis on classe. Moi je voulais prendre pour la suite de l'intervention une classe de danger en exemple, et ce sera la cancérogénicité, avec la définition qui est donnée dans le règlement CLP, qui est donc une substance ou un mélange qui va induire des cancers ou qui en augmente l'incidence. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est que si cette substance a provoqué des tumeurs bénignes ou malignes chez des animaux au cours d'études expérimentales, qui sont correctement réalisées, elle va être présumée cancérogène. si donc il apparaît que le mécanisme est pertinent également pour l'être humain. Donc ça, c'est toute la série d'informations qu'on aura recueillies au cours de l'étude bibliographique qui va nous permettre justement de statuer sur cette pertinence de l'effet observé chez l'animal pour l'être humain. Mais on a aussi la possibilité de classer justement sur la base d'études épidémiologiques, donc sur l'être humain. Alors, dans la classe de danger de cancérigène, on a différentes catégories qui sont, on va dire, révélatrices du degré de lien de cause à effet entre l'exposition à la substance chimique et l'effet observé. On a une catégorie qui, après, se subdivise en deux catégories, qui est la catégorie 1, qui va, on va dire, comporter les effets avérés ou supposés pour l'être humain. La catégorie 1A, en fait, elle se détermine essentiellement sur la base de données humaines qui vont établir un lien de cause à effet entre l'exposition à la substance chimique et l'apparition de cancer. Après, il y a tout un tas de considérations sur la qualité des études, leur représentativité à prendre en compte pour déterminer ce lien de cause à effet. Dans la catégorie 1B, conclure finalement, lorsque on classe en catégorie 1B, que l'effet cancérogène pour l'homme, il est supposé. Cette catégorie, si vous voulez, on va classer une substance cancérogène catégorie 1B essentiellement sur des résultats positifs qui proviennent d'études expérimentales sur les animaux et qui sont suffisamment probants pour montrer que la substance a un pouvoir cancérogène. C'est ce qu'on appelle sufficient evidence. Ça, c'est basé sur les définitions d'ailleurs du CIRC, le Sufficient et Limited Evidence. Et dans la catégorie 2, on va mettre dans cette catégorie, on va classer en catégorie 2 les substances pour lesquelles on a un effet qui est suspecté, notamment parce que les résultats d'études qu'on a vont être positifs, d'ailleurs que ce soit des études humaines ou animales, mais ils ne sont pas suffisamment convaincants pour qu'on les mette en catégorie 1, que ce soit un B ou un A. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle limited evidence. Voilà les trois catégories assez rapidement évoquées, simplement pour que vous ayez en tête ces différentes catégories et puis le type de résultat qu'on attend pour classer dans ces différentes catégories. Donc si je suis un industriel et puis je veux classer ma substance, donc je fais ma revue des informations que j'ai, je les analyse et puis en fonction du degré de pertinence et de lien de cause à effet, on va dire, du degré de certitude et de l'association entre l'exposition et les effets observés, que ce soit chez l'homme ou chez l'animal, je vais être amené à classer dans ces trois catégories. Et en fonction, une fois qu'on a classé dans l'une ou l'autre des catégories, le règlement CLP donne un certain nombre de règles de communication et d'éthique, via l'étiquetage, donc de communication des effets sur la santé. Alors, on va retrouver une communication via des pictogrammes. Ça, c'est la première information visuelle qui va être donnée via l'étiquetage. Et donc, on a deux pictogrammes lorsqu'il s'agit d'effets cancérigènes. Alors, il y a toute une série de pictogrammes sous forme de losange avec un cerclage rouge obligatoire et puis donc une silhouette humaine avec une espèce d'étoile caractérisée, on va dire, un danger pour la santé. Bonjour. Il y a une mention d'avertissement, donc pour la catégorie A ou 1B, la mention d'avertissement c'est danger, et puis pour la catégorie 2 c'est simplement le mot attention. Puis on va retrouver des mentions de danger, donc après vous pouvez voir qu'ils sont codifiés, donc c'est toujours les mêmes, et puis ils vont devoir se retrouver obligatoirement sur l'étiquette. Puis des conseils de prudence. Également codifié, donc en fonction des catégories dans lesquelles on a classé la substance. Alors là, je donnais un exemple sur P202. Lorsque vous avez une substance que vous classez en catégorie 1 ou en B, il faudra mettre P201, P202, P281, c'est-à-dire P202, ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. D'accord. Et puis, des conseils de prudence et d'intervention, par exemple. Alors je me suis trompé, c'est pas P303 en bas, c'est P308. C'est-à-dire le conseil de prudence et d'intervention, ce qu'on vous dit, c'est que P308 égale P313, c'est-à-dire qu'en cas de contact avec la peau, ça c'est le P308, on a P313, c'est-à-dire consulter un médecin. parfois il y a d'autres, types de phrases, c'est appelé d'urgence un centre antipoison, quand c'est un peu plus, ça met en danger, on va dire, la vie de quelqu'un. Donc ça donne, on va dire, des conseils d'intervention, de prudence qui sont adaptés, on va dire, au type de risque encouru. Et puis il y a aussi des conseils de prudence, de stockage et d'élimination. Et donc tout ça c'est codifié, on le trouve dans les différentes annexes du règlement CLP. Et c'est des choses qu'on doit mettre donc en fonction de toutes les classes. Hein, il y a les différents conseils de prudence, de prévention, conseils de prudence, intervention, de stockage, etc. Et puis en fonction du classement qu'on va faire de la substance, on va se référer à la partie appropriée du CLP pour pouvoir voilà, faire l'étiquetage approprié. Je voulais juste vous montrer un exemple, pour le coup, là, de l'étiquetage qui doit donc, comporter le nom de la société, le nom de la substance, le numéro européen, voire le numéro CAS aussi, hein, le Chemical Extract Service, mais c'est le numéro européen qui prévaut. Il y a le numéro aussi d'index, hein, quand une substance a été classée au niveau européen par un groupe d'experts dans le cadre d'une classification harmonisée. Voilà, avec les conseils de prudence, les mentions de danger, la mention d'avertissement et les pictogrammes. Alors, qui classe ? J'ai déjà un petit peu abordé la question, mais globalement, la première, hein, la première entité, personne qui doit classer, hein, il y a un classement obligatoire par le fabricant, l'importateur ou le distributeur, c'est ce qu'on appelle l'autoclassification, pour les substances et les mélanges. Hein. Après avoir fait une revue, justement, des informations disponibles, c'est rassuré d'en disposer, justement, c'est l'industriel qui va classer sa substance ou son mélange. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle le classement harmonisé. Et alors là, interviennent, on va dire, les États membres. Et donc, on va classer en priorité les substances pour lesquelles on a une suspicion forte, voire un peu moins forte, et pour lesquelles on a une suspicion de classement pour un danger cancérigène, mutagène ou reprotoxique et sensibilisant respiratoire. Ça, c'est le règlement CLP qui édicte cette règle, c'est-à-dire qu'il dit en gros, on ne va utiliser le classement harmonisé de manière prioritaire pour les CMR et les sensibilisants respiratoires, parce que c'est vraiment les dangers les plus. Les risques les plus importants, en tout cas, ça, c'est le législateur qui a décidé de cette priorisation. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas classer d'autres substances, mais il faudra montrer pourquoi il y a une nécessité de ce classement harmonisé, en tout cas quel est le bénéfice au niveau européen de rentrer dans une procédure relativement complexe quand même de classement harmonisé. Et donc la liste des substances qui ont été classées dans le cadre de la procédure de classification harmonisée, après toute la procédure d'ailleurs qu'on va détailler juste après, elles sont inscrites à l'annexe 6 du règlement CLP. Et donc il y a toute une série de, comment dire, une fois qu'on a fait des classements au niveau harmonisé, on amende le règlement CLP, donc l'annexe 6 du CLP, par ce qu'on appelle les adaptations progrès techniques. Alors, comment ça se passe, la classification harmonisée ? Alors, tout d'abord, il faut que un pays, un État membre, ou une institution qui a été, à qui on a confié cette tâche, identifie les substances pour lesquelles on a des suspicions d'effets de danger CMR ou sensibilisant respiratoire. Donc en France, c'est l'ANSES hein, qui est chargé de faire des propositions aux autorités compétentes. L'autorité compétente pour la mise en œuvre du règlement CLP, c'est le ministère du Travail. L'autorité compétente, ça je le dis, mais c'est pour votre information, pour la mise en œuvre du règlement REACH, c'est le ministère de l'Environnement. Voilà. Donc, et c'est important de le savoir, hein, parce qu'il y a, nous on fait des propositions de substances qu'on voudrait harmoniser. Et donc après, c'est le ministère du Travail qui va prendre la décision, si on fait une dizaine de propositions de substances à classer et à harmoniser, c'est le ministère du Travail qui, in fine, prend la décision d'en classer un certain nombre. Puis on lui dit que nous, on peut faire le travail sur 2015 sur 3 substances, qu'on en propose 10, c'est lui qui va choisir les 3. Avec, bien entendu, une recommandation de l'agence qui dit pourquoi c'est plus important de classer telle ou telle substance. Donc voilà. Et ce que je veux dire, c'est que formellement, c'est le ministère du Travail qui acte bien entendu en collaboration avec les autres ministères, hein, parties prenantes, entre guillemets. Mais voilà un petit peu la procédure. Et donc, quand on veut classer une substance, eh bien, nous aussi, on va déjà regarder ce qui existe dans le dossier REACH pour cette substance, en termes d'études qui ont été ou non apportées dans le cadre d'un dossier d'enregistrement. Mais là, je ne vais pas trop détailler cette histoire-là. On va regarder aussi les publications, l'ensemble des informations dont on dispose sur la substance. Et puis, après avoir fait l'analyse de ces informations, on va faire une proposition de classification étiquetage. Une proposition de classification, mais voilà, quand on a des études dont on dispose, nous on pense que la substance, il faut la classer cancérigène catégorie 1A. Et puis on va dérouler, si vous voulez, la démonstration voilà, en s'appuyant sur les règles du CLP. Donc on envoie cette proposition à l'Agence européenne des produits chimiques, qui va la soumettre à un avis du comité d'évaluation des risques de l'Agence européenne, et qui va donner un avis, son opinion sur la proposition qui est faite par l'État membre. Alors qui peut aller dans le sens de la proposition de l'État membre ou pas du tout. Donc dans le cas par exemple du formaldéhyde, nous avons proposé une classification catégorie 1A. Et finalement, sur la base d'un argumentaire extrêmement complet, très long, et qui est disponible d'ailleurs sur le site de l'Agence européenne des produits chimiques, ils ont proposé une classification en catégorie 1B. Bon. On y reviendra tout à l'heure. Je vous ai expliqué que j'avais une petite tentative d'explication sans rentrer trop dans les détails, mais voilà. Donc il y a un avis qui est rendu par le comité d'évaluation des risques, hein, le RASC, Risk Assessment Committee, à la Commission européenne. Et c'est en procédure de comitologie que seront adoptées ces classifications. Alors, c'est-à-dire que la Commission européenne va se baser sur la proposition du comité d'évaluation des risques et puis va acter dans, on va dire, 99% des cas, voire même d'ailleurs 100% des cas, l'avis du comité d'évaluation des risques. En théorie, la Commission pourrait tout à fait décider de ne pas suivre l'avis du comité d'évaluation des risques. Mais en fait, elle ne le fait pas. Ce qu'il y a généralement, c'est que il y a plutôt des effets pour retarder la décision, donc laisser aux entreprises, parce qu'il y a des conséquences réglementaires derrière qu'on va aborder assez rapidement, et pour laisser aux entreprises le temps de s'adapter, etc., de trouver des alternatives des parades ou des solutions aux conséquences de cette classification. Et donc voilà, une fois que la Commission européenne a un certain nombre de propositions de classif et d'avis du comité d'évaluation des risques, elle propose d'ajouter à l'annexe 6 en publiant justement cette décision au journal officiel. Donc ça devient obligatoire, les entreprises, à partir de la date qui est fixée dans cette décision de la Commission européenne, les entreprises doivent se conformer à la classification. C'est-à-dire que même si elles pensent que c'est pas justifié, ça devient une obligation. Voilà. Alors que l'autoclassification, il peut y avoir plusieurs industriels qui, sur la base des mêmes informations, ou pas tout à fait des mêmes informations, ça dépend du niveau d'information qu'ils ont sur la substance, parce qu'il y en a certains qui ont des études qui leur appartiennent, qui ne partagent pas forcément, etc., mais là, on rentre dans une mécanique un peu compliquée, ne vont pas, on va dire, proposer des classifications identiques. D'où l'inventaire de la classification dont je vous parlais tout à l'heure, qui est fait aussi pour rendre visibles, si vous voulez, les disparités de classification des mêmes substances par différentes entreprises. Ça, c'est un outil très important pour le grand public, si tant est qu'on sache que dans certains produits, d'ailleurs qui ont souvent des noms commerciaux, on va trouver telle ou telle substance. Alors, si c'est classé normalement sur l'étiquetage, on le voit. Mais voilà. J'ai perdu le fil, mais globalement, ça devient une obligation donc, pour les industriels. Et il y a un certain nombre de conséquences réglementaires qu'on va évoquer là juste après. Alors, quelles sont-elles ? Il y a des conséquences réglementaires dès qu'une substance a été classée. On appelle, une fois qu'elle a été classée sur la base des différentes classes que je vous ai évoquées, alors, notamment pour la santé, mais parfois aussi pour l'environnement, hein, pour la toxicité sur par exemple les poissons, les organismes aquatiques, etc., il va y avoir un certain nombre de conséquences réglementaires. Elles ont été identifiées comme étant des substances dangereuses même si le danger, parfois on peut dire, bon, il n'est pas une petite irritation, etc. Mais enfin, une irritation de tous les jours, pour, parfois pour certains travailleurs, ça peut devenir assez compliqué. Mais elles sont reconnues comme étant des substances dangereuses, c'est ça que je voulais dire. Et donc, il y a parfois des conséquences réglementaires pour l'ensemble des classes de danger, et certaines fois, dans certains règlements ou certaines directives, des conséquences uniquement pour les classes de danger les plus graves, entre guillemets, donc les CMR 1A ou 1B, ou des sensibilisants en fonction. Donc on va les énumérer. Il y en a un certain nombre que je n'ai pas mis, il y en avait beaucoup, avec des conséquences plus ou moins variées, donc honnêtement, ça se retrouve assez, assez facilement. Mais on va dire, j'ai mis les principales, notamment l'écolabel. On ne peut pas attribuer un écolabel. Ça, c'est encadré par une réglementation européenne, hein, un règlement. Donc, je vous ai mis à chaque fois les numéros si vous avez envie de les retrouver. Mais l'écolabel ne peut pas être attribué à des substances ou des préparations qui ont été classées. Hein, comme, alors là, c'est très toxique. On limite les classes de danger, mais c'est très toxique. Toxique, dangereuse pour l'environnement, cancérogène, tératogène et mutagène. Pas tératogène, c'est toxique pour la reproduction. Les cosmétiques, bien entendu. Il y a un nouveau, un règlement assez récent également, qui date de 2009, qui est rentré dans son application pleine et entière en 2013, mais qui interdit d'utiliser des substances classées CMR de catégorie 1A ou 1B dans les produits cosmétiques. Et il y a un certain nombre de dérogations possibles quand la substance est vraiment très importante, qu'on ne peut pas la substituer, etc. Il y a des dérogations, c'est-à-dire qu'en gros... si on montre que l'évaluation, enfin si on fait une évaluation des risques et qu'on montre qu'il n'y a pas de souci, il peut y avoir une autorisation temporaire d'utiliser certaines substances dans ces cosmétiques. Bon, je vous invite après à vous référer au règlement, mais globalement c'est l'esprit. Il y a la directive Jouet également qui interdit l'utilisation de CMRA ou un B ou deux dans les jouets. Ils ne doivent pas entrer dans leur composition, et notamment. Aussi dans des parties de jouets, ce qu'on appelle micro-structurellement distinctes. Voilà. Également un certain nombre de dérogations possibles. Ça, je le mets parce que c'est important de savoir que dès lors qu'il y a un règlement ou une directive ou je ne sais pas quoi, il y a des dérogations. Il y a un champ d'application et puis il y a des dérogations. Alors ça, c'est le grand classique. Et donc, c'est parfois plus important de connaître les dérogations que le règlement lui-même. Mais bon, voilà. Il y a aussi des conséquences. Alors là, j'allais dire, c'est évident, mais sur la directive Seveso, notamment sur la détermination des seuils haut ou bas, et donc sur les demandes d'autorisation, etc., et d'application de la directive. Il y a des conséquences sur ce qu'on appelle la Convention de Rotterdam, qu'on appelait à l'époque la Free Yard Informed Consent, sur les obligations de notification en fait, des États qui vont exporter, d'entreprises, d'entités qui vont exporter vers des pays où il n'y a pas forcément une réglementation. Sur l'évaluation ou la gestion des risques chimiques pour informer ces pays, la manière dont il faut et quelles mesures il faut prendre lorsqu'ils importent ces substances dangereuses. Il y a des conséquences sur une directive sur les composés organiques volatiles avec, on va dire, une recommandation. De ne pas utiliser, parce que j'appelle ça une recommandation parce que le terme exact n'était pas vraiment, c'est pas une interdiction formelle, hein, voilà, il faut remplacer dans la mesure du possible les CMR 1A et 1B quand on fait des nouvelles installations qui vont utiliser des composés organiques volatiles. Alors après, il y a des règlements dont on entend tous parler beaucoup plus que les directives que je vous ai citées, donc, les composés organiques volatiles, qui sont les biocides et les pesticides. Alors là, carrément, la classification est un critère d'exclusion des substances actives. C'est-à-dire que dès qu'une substance va être classée CMR 1A ou 1B, soit pour le règlement biocide ou pesticide, elles ne pourront plus être utilisées, elles ne seront plus autorisées comme étant des substances qu'on peut mettre dans des préparations pour préparer des biocides ou des substances phytosanitaires. Et puis, il y a un certain nombre de conséquences. Peut-être là, Tony rentrera beaucoup plus dans les détails, justement, en comparant un petit peu les réglementations sur la protection des travailleurs. Voilà, donc la 98-24 et la 2004-37, qui sont les directives de protection des travailleurs sur l'utilisation des substances chimiques dans le cadre professionnel, hein, sur le lieu de travail, avec une obligation de transmettre des informations, des obligations d'évaluation et des mesures de prévention, en particulier recommander de supprimer les CMR 1A, 1B du processus de travail, ou la substitution, et quand la substitution va possible, des mesures de protection collective, ou voire une extrême mesure qui est la protection individuelle. Il y a aussi des conséquences sur les directives de protection des jeunes et femmes enceintes, ou une obligation pour les employeurs de ne pas exposer les jeunes et femmes enceintes à des produits chimiques dangereux, en particulier CMR 1 et 1B. Donc après, il y a tout un tas d'autres directives et réglementations sur l'équipement électronique et électrique, les véhicules hors d'usage. Voilà. Et j'ai mis d'ailleurs deux fois la même parce qu'il n'y en avait pas assez. Mais pardon ? Et un autre qui est au pluriel, ouais. Je pense que j'avais déjà trop de directives. Et alors, il y a des conséquences. Alors, on parle de risque, je pense que c'est peut-être important d'aborder la question dès maintenant, parce que c'est un règlement qui est assez complexe à comprendre. Et puis tout à l'heure, vous allez encore en reparler à nouveau, donc c'est peut-être pas plus mal qu'on en fasse une. Qu'on l'aborde assez rapidement. Il y a des conséquences importantes. Et puis on en parle assez souvent du règlement REACH, donc voilà, autant en parler maintenant. La classification CMR 1 et 1B, fait donc le règlement, il régit. Le règlement REACH, ça veut dire Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals. Donc c'est littéralement c'est l'enregistrement des substances chimiques. Ça, c'est une procédure qui permet d'exiger des informations, alors ça en fonction du tonnage. Plus le tonnage est important, plus on va considérer qu'on a des risques d'être exposé dans sa vie. Et donc plus on va avoir des exigences importantes en termes d'informations, donc qui vont de la toxicité aiguë jusqu'à la toxicité chronique, cancérogénicité, mutagénicité, etc. Donc pour les gros tonnages, c'est la complète. Quoi. Et donc ce règlement, donc il oblige les producteurs ou importateurs à fournir des informations via la procédure d'enregistrement, via un enregistrement de leurs substances au niveau de l'Agence européenne des produits chimiques. Et donc, mais ce règlement, si vous voulez, il vise à rattraper un retard sur les connaissances qu'on a sur à peu près 100 000 substances qui étaient sur le marché à la fin des années 70, début des années 80, qu'on avait inventorié dans un inventaire d'ailleurs européen. Et donc pour laisser le temps aux industriels qui produisent ou importent ces substances de constituer leur dossier, on a échelonné les enregistrements, donc en 2010, 2013, 2018. Et en 2010, on a dit, voilà, les substances qui sont classées 1A, 1B et qui sont produites à plus d'une tonne, l'échéance de l'enregistrement, c'est en 2010. En 2013, ça concerne, si ma mémoire est bonne, les substances à plus de 100 tonnes, et en 2018 c'est au-delà d'une tonne, quelle que soit la classification. Donc ce que je veux dire, c'est que les conséquences de la classification, là pour le coup, elles ont eu pour conséquence d'avancer la date de l'enregistrement obligatoire, donc de la production d'informations sur les substances, quel que soit le tonnage de la substance. C'est-à-dire qu'on a considéré que là, ce n'était pas qu'une question de tonnage. Hein, toutes les substances qui étaient à plus de 1000 tonnes, par exemple, elles ont été enregistrées en 2010, même si elles n'étaient pas classées. Mais là, le fait qu'elles soient CMR 1 et 1B avançait, indépendamment de leur tonnage, la date d'enregistrement. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que les CMR 1 et 1B vont pouvoir être soumis plus ou moins directement à la procédure d'autorisation, qui est nouvelle. Un nouvel outil qui a été apporté par REACH pour, on va dire, gérer les substances les plus dangereuses, qu'on appelle les substances préoccupantes, les SVHC, substances of very high concern. L'objectif de cette procédure, c'était à l'origine de permettre à plus ou moins long terme un remplacement progressif des substances les plus dangereuses par des moyens de substances. Enfin, des nouvelles substances moins dangereuses, voire pas dangereuses du tout, et donc de permettre une substitution progressive des substances les plus dangereuses au niveau européen. Ça a plus ou moins de succès, mais enfin, peu importe. Un des critères pour pouvoir identifier une substance comme étant une substance très préoccupante et donc qui peut faire l'objet de la procédure d'autorisation, c'est d'être un CMR 1A et 1B. Et donc l'autorisation juste pour rappel, ça veut dire que la substance, à partir d'une certaine date, au bout d'un long processus, elle sera interdite. Enfin, l'utilisation de ces substances seront interdites, sauf celles qui ont eu une autorisation qui a été évaluée par les différents comités de l'Agence européenne des produits chimiques et qui ont obtenu, une décision de la Commission européenne. Et puis au niveau de la restriction, ça c'est un reliquat de la réglementation des directives sur la classification des substances chimiques et les directives sur l'évaluation des substances dangereuses qui étaient avant REACH. C'est que dès qu'on a une substance CMR 1A ou 1B, donc qui est classée CMR 1A ou 1B, elle sera inscrite automatiquement à la liste des substances qui sont interdites pour être utilisée dans des préparations à destination des consommateurs. C'est pas automatique, mais quasiment. Donc ça fait l'objet d'une décision de la Commission, etc., mais ça va relativement vite. Ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas être utilisé par les travailleurs, là, pour le coup. Ça veut dire qu'on ne doit pas trouver de substances CMR 1A ou 1B dans les produits à destination des mélanges, des préparations à destination des consommateurs. Alors, là, c'est un peu la partie la plus délicate pour moi, c'était que je voulais réaborder, mais je le fais avant la présentation de Christophe Prétend, on va tenter. Je voulais expliquer les disparités entre la classification du CIRC, qui, comme vous le savez, a réitéré assez récemment, finalement, pour le formaldéhyde, sa classification dans la catégorie, la catégorie 1, pardon. Donc avec un lien de cause à effet relativement important entre l'exposition au formaldéhyde et le développement notamment du cancer du nasopharynx, mais aussi pour les leucémies, etc. Chose que n'a pas, c'est pas une conséquence, en tout cas ça n'a pas été une des conclusions du comité d'évaluation des risques de l'Agence des produits chimiques. Alors c'est vraiment une explication, je me suis penché sur les deux documents hier, mais ils sont très très importants. Et pour le coup, moi, je ne suis pas épidémiologiste, donc il y a un certain nombre de choses qui vont m'échapper dans les conclusions des différents experts. Mais globalement, on peut trouver, si vous voulez, une explication déjà dans l'approche, dans le règlement CLP. Déjà, pour revenir sur les critères de classification. Ça, c'est ce qu'on va trouver, ce tableau-là, avec tous ces textes, c'est ce qu'on va trouver dans le règlement CLP, qui dit bien que quand on veut... il y a différentes catégories, la catégorie 1 et la catégorie 2. Dans la catégorie 1, on trouve deux sous-catégories, la 1 et la 1B, qui nous dit que dans cette catégorie, on va identifier les cancérogènes qui sont avérés ou présumés pour l'être humain. Que la catégorie 1A, en gros, c'est les substances dont le potentiel cancérogène pour l'être humain il est avéré, et donc que ça s'appuie largement sur des données humaines, premier point, donc potentiellement des études épidémiologiques, et même quasiment que ça. De différentes formes, études de cohorte, etc. Bon, ça, c'est pas trop mon domaine, donc je ne rentrerai pas dans plus de détails que ça. Et la catégorie 1B, qui réunit les substances dont le potentiel cancérogène pour l'être humain, il est supposé. Et donc là, on dit il est supposé parce qu'on a un certain nombre d'informations, en particulier chez l'être humain, avec, quelques biais dans le développement des méthodologies qui ont conduit aux résultats observés dans les études épidémiologiques ou des études animales dont les résultats sont suffisamment probants pour démontrer le pouvoir cancérogène sur les animaux. Voilà, donc c'est un faisceau d'arguments, ce qu'on appelle la force probante en fait, des études, qui va nous conduire à classer dans telle ou telle catégorie. Alors après, ce que nous dit... Pardon, oui. Tu peux revenir sur la diapositive avant ? Oui. C'est quoi les autres considérations ? La classification dans les catégories 1 et 1B se fonde sur la force probante des données et sur d'autres considérations. C'est où ? Tu sais, là... Il renvoie une partie 3.2. C'est quoi derrière ? Qui est là ? Ah, pardon. Je n'ai pas tout mis. Voilà. Ok, parfait. Et donc, il va expliquer comment on va interpréter, comment on peut interpréter, sans être complètement exhaustif, la force probante. Et alors, ce que j'ai jugé le plus important de montrer, globalement, c'est que, on dit bien dans le règlement CNP que les preuves suffisantes et les indications, c'est-à-dire que sufficient ou limited evidence, c'est la traduction en gros littérale que fait le CLP en version française de ces deux... expressions, elles sont basées sur celles qui ont été définies par le Centre international de recherche sur le cancer, donc le CIRC. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans la deuxième partie qui est développée, donc sur laquelle tu, voilà, tu es revenu, là, qu'est-ce que c'est exactement, donc voir 3.3622, eh bien, on nous dit des preuves suffisantes pour classer dans la catégorie A, en gros, donc c'est le lien de causalité établi entre l'exposition à l'agent et le cancer humain, etc. Et on nous dit qu'il y a une relation positive qui a été observée entre l'exposition et le cancer lors d'études sur lesquelles le hasard, les biais et les facteurs de confusion ont pu être exclus avec un degré de confiance raisonnable. C'est important de l'avoir en tête, ça, pour la suite. Et on nous dit que, en revanche, quand on a une limited evidence ou une indication de cancérogénicité, donc on a observé un lien, on va dire, entre l'exposition à l'agent et les cancers, enfin une corrélation positive plutôt, sans que le hasard, les biais et les facteurs de confusion ne puissent cependant être exclus. Là, on parle bien des critères pour classer en cancérogénicité pour l'être humain sur la base d'études sur l'être humain. Et donc, là, j'ai mis un extrait, si vous voulez, de l'avis du comité d'évaluation des risques pour la santé humaine sur le formaldéhyde. C'est vraiment, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment se référer, il faut avoir une analyse comparative des deux expertises, hein, et des critères en même temps. Alors, ce serait une étude assez intéressante, mais moi, je n'ai pas fait ça. J'ai juste lu très rapidement hier. J'ai extrait des éléments qui, à mon avis, voilà, peuvent déjà commencer à faire réfléchir. C'est-à-dire que le RAC, qui dit, en gros, voilà, il n'y a pas un lien suffisamment probant entre l'exposition au formaldéhyde et, on va dire, un lien de cause à effet suffisamment probant entre l'exposition au formaldéhyde et les effets, notamment sur le cancer du nasopharynx chez l'homme. Et en fait, il conclut en disant qu'il y a un certain nombre d'incertitudes qui sont toujours voilà, sont inhérentes aux études qui ont été analysées, et qu'en gros, on ne peut pas exclure les biais ou les facteurs confondants lorsqu'on fait l'analyse de ces études. Et donc, il fait une application stricte des critères qu'on vient de voir en amont. Et le plus important, c'est pour vous dire que globalement, comme on est dans un environnement juridique, c'est ça, je pense, qui est important, bon, enfin, c'est l'interprétation que j'en fais, le comité, malgré le fait qu'on est dans une approche d'expertise, mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un contexte juridique avec des possibilités de contentieux notamment assez importants. Et donc, voilà, je pense qu'ils se sont dit qu'il fallait faire une application des critères assez stricte. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que globalement, quand on regarde d'ailleurs le guide d'application des critères de CLP, on nous dit bien que finalement, ils essaient d'expliquer globalement la différence entre les working groups du CIRC et puis la classification CLP. Et ce qu'ils disent, c'est que globalement, quand le CIRC considère l'ensemble des informations scientifiques pertinentes pour élaborer sa classification, il peut globalement aller un peu au-delà, enfin surclasser ou sous-classer en fonction de l'ensemble des data dont il dispose. Et globalement, si vous voulez, le jugement d'expert peut aller au-delà d'une stricte interprétation des critères que s'est fixé le CIRC lui-même. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la communauté européenne s'est fixé des règles dans un règlement, donc c'est avec un aspect juridique fort, et qu'elle interprète ces règles et ces critères de manière stricte. Ça, c'est l'interprétation que j'en fais, encore une fois, pour éviter tout problème de contentieux. Mais la chose qui me dérange, moi, là, c'est que quand je lis la mise à jour de la classification du CIRC et quand je lis l'avis du RAC sur le formaldéhyde, on n'a pas un jugement scientifique qui est le même. C'est-à-dire que le RAC dit qu'il y a un certain nombre d'incertitudes liées aux données analysées en épidémio, alors que le CIRC dit qu'il y a vraiment une force probante, il n'y a pas de biais facteurs confondants dans les études épidémio qui ont été analysées, et c'est ça, moi, qui me turlupine. Voilà. Donc, globalement, aujourd'hui, je pense que au-delà... Je pense que de l'application stricte des critères qui est liée de toute façon, ça il faut vraiment l'avoir en tête, au caractère réglementaire, juridique de l'application des critères, de l'exercice, quoi. Il y a un certain nombre de disparités qui sont liées aussi à l'expertise des mêmes données. Et moi, je n'ai pas de réponse à apporter, parce que je ne suis pas épidémiologue, puis on n'a pas lancé non plus d'expertise sur ce point-là. ce que je veux quand même rappeler, c'est que les conséquences réglementaires sont absolument les mêmes qu'il s'agisse d'un cancérigène catégorie 1A ou 1B, en termes de prévention, substitution, d'interdiction, etc. Donc je ne dis pas que ça limite les choses, mais voilà, d'un point de vue des conséquences réglementaires, ce sont les mêmes. Peut-être qu'il faudrait fouiller sur les problématiques de réparation, etc. Il faudrait quand même se poser des questions sur les liens de cause à effet. Ça, c'est plutôt ça qui m'interpelle. Mais ce qui m'interpelle le plus quand même aujourd'hui, c'est vraiment cette différence d'appréciation sur la base de mêmes critères. Parce qu'on nous dit que ce sont les critères, ce sont les mêmes, ils ont été, voilà, globalement, c'est un peu calqué sur ceux du CIRC. Mais on a une analyse, notamment des biais, des facteurs confondants, donc des études analytiques sont les mêmes, qui n'est pas équivalente. Voilà. Et j'ai pas de réponse. Alors pour terminer. Oui. Donc ils disent des scènes limitées les choses à parler de personnes. Ça veut dire que le CP utilise cette même possibilité de pas adhérer strictement au critère et qu'ils utilisent aussi une certaine marge, mais. Alors, moi, je le comprends comme ça. Mais le problème, c'est que dans les... Enfin, en tout cas, sur la question du formaldéhyde, c'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dans la proposition qu'on a faite, nous, on a dit, voilà, effectivement, il y a un certain nombre de limitations sur les études épidémiques, etc. Enfin, on a fait ça avec notre groupe d'experts REACH et substances chimiques. D'ailleurs, vous étiez là. Et l'argumentaire, c'est de dire... Oui, il y a un certain nombre de limitations, mais on a des études expérimentales qui viennent renforcer notre appréciation du lien de cause à effet entre l'exposition au formaldéhyde et le développement de cancer du nasopharynx. Alors, on a exclu la possibilité pour les leucémies, etc. C'est un autre débat. Mais sur le cancer du nasopharynx, on a dit c'est bon, on le classe en A sur la base des données épidémiologiques chez l'homme et force probante, donc sur la base aussi des éléments qu'on a dans les études expérimentales chez l'animal, etc. Et en particulier aussi parce que la substance, elle est identifiée comme un génotoxique, donc au point d'action. Donc c'était ça un peu notre argumentaire grossièrement. Et ce que je comprends, c'est qu'avec cette dernière phrase, on pourrait aussi proposer ce type d'argumentaire dans le cadre du RAC, mais ça n'a pas été suivi. Le RAC s'est borné... J'ai l'impression, et encore une fois, c'est avec vraiment beaucoup de précautions que je parle là, parce que je n'ai pas lu l'ensemble du document hier. Pardon. Donc il faudrait voir, mais je n'ai pas l'impression qu'ils aient considéré l'ensemble des informations pour justement augmenter la classification du cancer du nasopharynx, notamment la génotoxicité, etc., et l'ensemble des études sur l'animal. Donc ils ont fait une application stricte et puis un peu, comment dire, déconnectée des autres classes de danger. C'est ce qui m'apparaît au premier abord. Mais encore une fois, c'est vraiment avec beaucoup de précautions que je dis ça. Mais c'est un début d'explication des différences d'appréciation entre les différents groupes d'experts. Déjà, il y a un cadre, encore une fois, il y a un cadre qui place un contexte et qui forcément vous amène, une espèce de collectif, je pense, qui s'installe et on intègre aussi peut-être inconsciemment les conséquences réglementaires du truc, je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer vraiment pourquoi, mais ce qu'on peut voir, c'est que manifestement et factuellement, il y a des différences d'appréciation des mêmes études avec des conclusions qui divergent. Alors, bon, là, c'était pour aborder un certain nombre de limites. Globalement, parce que c'était un peu dans la commande, en fait, quelles sont les limites de ces outils, si on n'a pas formellement travaillé dessus, mais c'est un peu sur la base d'une expérience, d'un vécu. D'une part, il y a, voilà, le règlement CLP, il fixe les mêmes règles pour l'ensemble des substances chimiques et donc de ceux qui les produisent, les importent et les mettent sur le marché. Donc ça, c'est déjà un point intéressant. Ça permet de communiquer de l'info. Mais s'il n'y a pas de données, il n'y aura pas de classif, de toute façon. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a une majorité de substances, enfin, il y a beaucoup de substances qui vont être enregistrées dans pas longtemps, pour lesquelles le niveau d'exigence se limite finalement à un certain nombre de classes de danger, qui sont celles que j'ai mises au début, qui sont la toxigue, la corrosion, la sensibilisation, voire la mutagénèse in vitro. Mais pour la plupart, enfin pour un grand nombre de substances qui seront enregistrées à partir de 2018, on aura très peu d'informations sur la cancérogénicité. Donc pas possible, si vous voulez, ce ne sera pas possible, à moins d'utiliser des outils in silico, de comparaison entre les formules chimiques, etc., d'identifier des cancérogènes avérés ou même présumés, puisqu'on n'aura pas d'informations sur la cancérogénicité, pas d'études animales, etc., etc., à moins qu'on ait une augmentation du tonnage après cet enregistrement. C'est pas ce que je voulais dire. Donc, on a surtout des classifications pour des substances qui ont des gros volumes, qui sont présentes sur le marché depuis un grand nombre d'années. J'allais dire, pas qu'on connaît déjà, mais pas loin. Ça, c'est une des premières limites. Oui, là, je suis un peu loin. Voilà, donc, et pour terminer, globalement, Il peut y avoir pas mal. Enfin, voilà. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait un inventaire des classifications. Si vous allez sur cet inventaire, vous allez voir pour la même substance, il peut y avoir des classifications différentes. Ça interpelle. Donc, pour nous, c'est bien parce que ça nous met un petit peu la puce à l'oreille sur les substances qu'il faudrait harmoniser. Alors, c'est pas toujours sur la cancéro, etc. Mais il y a beaucoup. Alors, il y a de tout. Il y a des gens qui vont avoir des études qui vont sous-classer, entre guillemets, puis il y en a d'autres qui vont. On va dire ouvrir le parapluie, bretelles, ceinture, tout ce que vous voulez, puis qui vont surclasser leur substance. Ou alors, mais pas toujours volontaire, mais c'est aussi parce que il n'y a pas souvent l'expertise adéquate dans les entreprises pour classer. Et voilà, donc on peut assister parfois, on peut voir pour les mêmes substances des classifications différentes, et donc ça amène un certain nombre de problématiques, notamment sur savoir comment on se protège de ces substances. Et d'autres problématiques, notamment aussi de concurrence entre les différents entre les différentes entreprises qui classent ces substances. Alors, il y a aussi un autre truc, c'est globalement, tout à l'heure, je vous ai dit que dans le processus harmonisé qui allait conduire à l'inscription d'une classification harmonisée dans le règlement CLP, donc il y a 18 mois maximum entre la proposition et l'avis. Ça, c'est bien parce qu'avant, ce n'était pas le cas et ça pouvait traîner. Il y a une opinion maintenant qui est étayée, qui est expliquée, qui est argumentée, chose qu'il n'y avait pas dans le cadre de la 67548, c'est-à-dire dans les directives précédentes, on avait un comité qui se réunissait, qui actait d'une classif, on avait un compte-rendu assez sommaire qu'on ne retrouve pas tout le temps, d'ailleurs quand on veut faire l'historique des choses, et puis pas forcément d'explication, d'argumentaire sur les éléments scientifiques qui ont été pris en compte pour classer par rapport aux critères du CLP. Donc ça, c'est vraiment une grande avancée en termes de transparence des expertises européennes. Et donc, entre l'avis et la décision, il peut y avoir quand même pas mal de temps. Mais tant que la substance n'est pas à l'annexe 6 du règlement CLP, la classification, il y a une espèce de vide juridique actuellement. Alors, il y a des questions de responsabilité, etc. Très bien. Mais en termes d'étiquetage obligatoire, c'est l'étiquetage antérieur qui prévaut. Voilà. Ça, il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des substances dont la classification évolue, mais entre le temps où il y a un avis du comité d'évaluation des risques européens et la publication du journal officiel avec la modification de l'annexe 6 du règlement CLP, il peut se passer parfois 2 ans. C'est souvent moins, mais ça peut être très long. Donc là, une espèce de flou artistique, notamment juridique, mais enfin bon, voilà, ça c'est, je pense, c'est une des limites. Il y en a d'autres, des limites, ouais, je vous donne celles qui me viennent à l'esprit comme ça, mais il faudrait vraiment, enfin voilà, ce sera intéressant d'analyser aussi l'ensemble de la procédure, et puis des jeux d'acteurs, et puis de la manière dont se conduit l'expertise au niveau européen. Alors oui, tout à l'heure je disais c'est aussi le champ d'application, par exemple, je l'ai mis normalement, on a discuté dans le cadre de ce même groupe du chloracétal C5. La question qui nous a été posée il n'y a pas si longtemps que ça, c'est en gros, voilà, il y a une étude épidémio, alors j'ai cru comprendre qu'il y avait des différences, enfin, que l'étude épidémio d'après les conclusions de l'INVS ne montrait pas forcément de lien de cause à effet. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe, hein. entre l'exposition chloracétale et... Pardon ? Bah, il montre une association, mais au bout de longtemps, d'une longue enquête. Quoi. Donc en gros, avec des biais d'interprétation. Enfin, je ne sais pas, mais bah, ça n'a pas forcément la force probante d'un critère... Bah, c'était surtout la durée de production des connaissances qui posait problème. Parce que oui, ça, ça l'était. Et puis, il y avait toujours la question que c'était une étude qu'à témoin, et que dans la hiérarchie des preuves, on se voilà, c'est pas forcément l'étude la plus... Oui. La, voilà, la plus forte, en tout cas, qui va permettre une classification à la catégorie. Notamment aussi parce que, d'après ce que j'ai dû comprendre, la mémoire que j'ai un petit peu de ce que nous a raconté Anita Bomoni sur ce cas, on a quelques données de mutagénèse in vitro et puis on n'a rien in vivo. D'ailleurs, ça avait été une demande qui avait été faite à un moment donné, qui avait été, d'après ce que j'ai compris, refusée par la direction de l'époque, etc. Donc, on a finalement assez peu de données, d'ailleurs, qui permettraient, même si ça rentrait dans le champ d'application, de classer la substance. Mais l'INVS nous avait transmis une demande à l'époque, il y a quelques années, de ça, pour savoir si la substance pouvait être classée, si on pouvait donc se charger de proposer une classification au niveau européen. Sauf que le chloracétal C5, d'après les infos que nous, on a eues, en plus, en ayant un certain nombre de discussion avec le directeur du site, c'est que chloracétal C5, il est identifié comme étant un intermédiaire de synthèse non isolé. Et donc, par définition, ça ne rentre pas dans le champ d'application. Donc, si vous voulez, l'impact, l'effet attendu de la classification, parce que c'était ça l'objectif à l'époque de l'IVS, c'est de dire, écoutez, il y a quelques données, faites une classif au niveau européen, une fois que ce sera classé CMR1, les problèmes seront réglés au niveau de l'entreprise. Pas aussi évident que ça, mais de toute façon, le chloracétal C5 est un intermédiaire de synthèse non isolé, a priori, parce que finalement, il y a quand même un certain nombre de questionnements actuellement, que je me replonge un petit peu dans les données qui nous avaient été communiquées, et je ne sais pas si ce n'est pas finalement un intermédiaire isolé, c'est-à-dire quelque chose, un bidon qui existe, on va dire qu'on met avec d'autres substances pour produire une fine vitamine A. Mais je vois que vous me dites non. C'est un intermédiaire de synthèse, en fait. Mais non isolé. C'est-à-dire que c'est un produit intermédiaire de réaction qui se forme pendant le processus. Donc c'est bien ça. Donc là, mais justement, il y a une espèce d'incertitude autour de cette question-là dans le cadre de nos travaux, de notre expertise à l'époque sur la faisabilité de la classification. Et donc bon, voilà. On est limité aussi par le champ d'application du règlement. C'est-à-dire que, et de toute façon, je ne suis pas sûr que même si on l'avait classé CMR 1A ou 1B, ça aurait changé forcément grand-chose, puisque ce n'est pas toujours possible, d'après ce que disent un certain nombre d'industriels, de remplacer facilement des substances comme la réglementation l'indique, c'est-à-dire l'application de substitution, etc., etc. Bon, ça, c'était juste pour l'anecdote et pour parler un petit peu du chloracétal et des possibilités de coffre la classification, c'est-à-dire... quasiment aucune. Quoi. Donc le problème ne trouvera pas sa solution dans la classif. Voilà, je vous remercie. Et puis merci. Si vous voulez qu'on discute, allons-y. Ok, donc merci beaucoup pour la présentation qui rend familier des choses vis-à-vis desquelles justement on a en règle générale peu d'informations. Oui. Moi, c'était sur les catégories 1 et 1B. La conséquence réglementaire est la même, pourquoi on différencie ces deux catégories-là ? Parce que. Après, ça, c'est une question de. Enfin, comment dire ? C'est plutôt une question de science, de lien de cause à effet, de puissance du lien de cause à effet. Il faut le déconnecter de la conséquence réglementaire. Je pense que le législateur, quand il s'est dit, on va donner. Enfin, par exemple, ne pas trouver de CMR 1B par exemple, dans les cosmétiques, c'est parce qu'il y a aussi toujours un degré d'incertitude qui est assez important sur les données qu'on a, et puis après sur la classification, vous voyez bien. Hein. Donc, ils décident de faire un paquet. Ça, c'est vraiment un choix politique du législateur de prendre toutes les précautions possibles dans les conséquences réglementaires de la classification et de prendre le moins de risques possible à pas simplement interdire les CMR 1A. Parce que de toute façon, ils sont peu nombreux au regard des informations dont on dispose et parfois aussi des biais d'analyse qui entourent ça, pour pouvoir les classer. Et donc, on maximise, si vous voulez, la sécurité du consommateur ou du travailleur. C'est un filet de sécurité. Je pense que c'est un filet de sécurité politique. Oui, en même temps, il serait choquant de dire à partir du moment où on suppose, avec un certain nombre de données, que ce produit est cancérogène, on ne va pas attendre pour faire toutes les interventions adéquates de savoir qu'épidémiologiquement, il est cancérogène. Oui, c'est ça le choix du politique. Oui, ouais, oui. Ça ne serait pas possible. On a suffisamment de preuves pour penser que, on suppose que, à partir du moment où on suppose que, bah on se donne les moyens de la même façon que si c'était un cancérogène impérissable. C'est un peu comme ça que je vois. La deuxième, c'est pour rebondir un peu sur votre question et ce que j'évoquais déjà tout à l'heure. Je pense que, comment dire, il n'y a pas de lien direct, par exemple, entre la classif 1A ou 1B et la reconnaissance en pathologie professionnelle. Je pense que le groupe au niveau du ministère qui décide des tableaux va se pencher sur le lien de cause à effet entre l'exposition et ça c'est la première étape et l'effet observé. Mais je pense qu'il peut y avoir un certain nombre de batailles justement sur le lien de cause à effet dans ce genre de discussion là. Le 1A et 1B ne vont pas rentrer forcément en ligne de cause, mais en revanche, l'interprétation sur le lien de cause à effet et le niveau de certitude qu'on a sur le lien de cause à effet pourrait être très important dans ce genre de cas-là, c'est-à-dire quand on va parler de tableau de reconnaissance. Donc, voilà, c'est plutôt là, moi, où je vois un petit peu la problématique de la disparité entre la classification européenne et la classification CERF, parce que là, je vois bien le genre de discussion qu'on peut avoir dans ce genre de groupe-là. C'est pas au niveau des dérogations que ça peut jouer d'un point de vue réglementaire. C'est pas plus facile d'obtenir des dérogations pour un 1B que pour un 1A, par exemple. De quel type de dérogation? Je sais pas, parce que tu les as pas forcément précisées. Non. Ah oui. Non, il n'y a pas de dérogation. Non. Généralement, l'application. Enfin, c'est un peu bête et méchant, hein, le règlement. Non, les dérogations, c'est pas à ce niveau-là. Alors, quand même, je pense que quand on propose un certain nombre de mesures d'interdiction et choses comme ça, on va probablement considérer que, comment dire, l'Europe, son grand dada, c'est de prendre des décisions qui soient proportionnelles, quoi, au niveau de risque, on va dire. Peut-être que ça peut jouer dans ce cadre-là quand on décide un certain nombre de mesures d'interdiction ou proportionnalité, mais Sur le niveau de lien de cause à effet, ça me dit rien. Mais non, ça ne rentre pas dans le cadre des dérogations. Enfin, pas à ma connaissance. Peut-être si Tony, toi, tu as une idée de. Dans le cadre de RIC, je ne pense pas. Un SVHC, que ce soit un CMR 1A ou un B, ça reste un SVHC. Quoi. Il y a quand même une pondération. Une pondération. Il y a des dangers, il y a le facteur émissif. Non, mais oui, mais ça, c'est pour une mise en priorité. Ouais. C'est pour la mise en priorité des substances quand on veut les inscrire après une finale annexe 14, c'est-à-dire des substances qui sont vraiment interdites après. Mais la pondération, c'est plutôt sur. Alors, c'est plus sur le danger, sur une tentative d'estimation du risque, et donc c'est sur la base de l'exposition attendue, et du niveau de personnes qui vont être exposées, et de l'intensité de l'exposition. Mais pas sur la question du danger, des propriétés intrinsèques. Enfin, pas à ma connaissance. Enfin, non, d'ailleurs, j'en vois pas de. Je vois pas de cas. Après, il y a un certain nombre de. Comment dire par exemple, dans le cadre de REACH, la procédure n'est pas la même pour un CMR à seuil ou sans seuil. C'est-à-dire que pour un CMR sans seuil, par définition, on ne peut pas démontrer que le risque est maîtrisé, puisque le niveau des. Enfin, dès que vous êtes exposé, le risque augmente. Et alors que pour les CMR avec seuil, on va pouvoir obtenir une autorisation en montrant que le risque est valablement maîtrisé, c'est-à-dire que les expositions à ces substances-là sont en dessous du seuil qui a été fixé. Alors que dans l'autre cas, on peut obtenir autorisation pour les substances sans seuil si on montre qu'il y a un bénéfice social et économique de la substance, de continuer à l'utiliser. Voilà. Sauf que les cancérogènes avec seuil, ça n'existe pas. Ah, le formaldéhyde est considéré comme étant un cancérigène à seuil. Voilà, carrément. Oui. J'avais une question, une suggestion. Est-ce que vous avez une visibilité sur la composition du comité de classification européen? Ouais. Alors, Le rack. Je peux vous dire comment il est composé. Oui. Les règles de sa composition. Alors, le comité d'évaluation des risques européens, pour le composer, on demande à chaque État membre, à chaque autorité compétente des États membres, de proposer au minimum une candidature, et après il n'y a pas de maximum, d'experts dont les compétences sont dans, on va dire, enfin, dans le champ un peu d'application de la réglementation, hein, des épidémiologues, des tox, des gens qui font de l'exposition, des écotox, voilà. L'autorité compétente, donc le gouvernement, pas les ministères. Ouais, ouais, si vous voulez, le gouvernement. Moi, je suis dans mon langage un peu technocratique, hein, vous savez, autorité compétente. Mais c'est formellement, c'est ça. Donc, ils proposent. Et puis, après, c'est le conseil. Donc, chaque pays propose, etc. Il y a des pays plus malins que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont compris que ils pouvaient passer des accords, les Allemands passaient des accords avec d'autres pays, et ont proposé donc des gens, donc des Allemands qui travaillent en Allemagne, hein, mais je ne sais plus lequel c'est, hein, pour le Luxembourg, voilà, exactement, des petits pays qui n'ont pas forcément soit d'expertise, soit de moyens à mobiliser, bien qu'on soit remboursé, etc. Mais bon. Et donc les Allemands ont été très forts là-dessus. Et donc, vous pouvez proposer plusieurs candidatures. Et ce qu'on constate, c'est qu'une grande majorité de pays proposent une seule ou deux candidatures au maximum. C'est qu'après, c'est le conseil d'administration de l'Agence européenne des produits chimiques qui valide, voilà, qui réunit toutes les candidatures et qui va attribuer des candidatures pour chaque pays. Hein. C'est-à-dire que la France aura les siens, mais choisit parmi les candidatures françaises. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que ça fait plusieurs années qu'on n'en propose que deux. Et ça, on sait que les deux seront nommés. Mais ils travaillent à l'ANSES, et puis un autre qui travaille à l'INES. Le conseil d'administration, là, c'est des politiques, oui. C'est des fonctionnaires. Oui, c'est des fonctionnaires, ce sont des représentants de chaque autorité compétente des États membres. L'autorité compétente, ça peut être un ministère, c'est le cas chez nous, oui. Mais ça peut être une agence, c'est le cas en Allemagne, voilà. C'est le cas dans d'autres pays. C'est des fonctionnaires. Dans les agences, il n'y a pas forcément des fonctionnaires. Non, conseil d'administration, j'entends. Fonctionnaires européens ou fonctionnaires chez eux? Est-ce que c'est désigné par l'administration de chaque État? Ils sont désignés par l'administration de chaque État. L'administration compétente, donc pour nous. L'autorité compétente. Mais encore une fois, je pense qu'il faut être précis parce que ce n'est pas forcément la même chose. L'autorité compétente peut ne pas être un ministère. Dans plein de pays, ce sont des agences indépendantes, etc., d'expertise. Chez nous, ce sont les ministères. Et dans d'autres pays aussi. Juste pour rebondir en Allemagne, ce sont les agences, pardon. Pour rebondir sur le RAC, en fait, je sais que le SCOL, là, ils sont en train de mettre une procédure justement avec un appel à candidature ouverte, etc. Le RAC, c'est prévu de passer au même statut ou pas du tout? Non, pas pour l'instant. Alors, non. Je pense que dans le mode de désignation, alors c'est vrai qu'on répète assez régulièrement aux membres du RAC et du comité d'évaluation, enfin d'analyse socio-économique, qu'ils sont indépendants, tutu personnel, etc. Et de fait, sur le mode de désignation, il est. Comment dire? Je ne dis pas que ça a l'air indépendant, parce qu'il y a vraiment une probité exceptionnelle, machin, etc. Mais il y a un mode de désignation qui n'est pas forcément calqué sur les standards qu'on voit dans les autres agences européennes. Notamment, alors à l'EFSA, on peut dire ce qu'on veut de l'EFSA, mais à l'EFSA, c'est une procédure ouverte d'appel à candidature. Quelle que soit votre nationalité, votre organisme d'appartenance, etc., et vous êtes désigné en fonction des publications, de votre expertise, de votre expérience. Les cas, c'est pas ça. Déclaration publique d'intérêt. Ah oui, il y en a. Enfin, après, les règles, si vous voulez, de déclaration ne sont pas forcément les mêmes. Non, mais les règles, il y a des seuils, par exemple, les seuils quand on touche plus de 50 000 euros en étant un organisme. Enfin, si vous faites de la recherche dans un labo de recherche, je ne sais pas quels sont les seuils en France, d'ailleurs, je ne sais pas qu'il y a des seuils, c'est vraiment cas par cas. Mais à l'ECA, je crois qu'il y a un seuil. Je me trompe peut-être, tu me diras, parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas allé à l'ECA. Mais il y a un seuil de 50 000 euros au-dessus, vous êtes considéré comme ayant un lien d'intérêt, parce que vous touchez 50 000 euros pour votre labo, pas personnellement. Et en dessous, bon, c'est pas considéré comme étant un lien. Ça, c'est. Voilà. Mais sur le mode de désignation, c'est ce que je vous ai dit. J'avais une suggestion, donc je serais assez intéressé par. quand il y a des accords, disons, de placement entre la classification européenne et celle du CIR, je serais intéressé qu'on mette en face le nombre de salariés européens concernés par le produit. J'ai le mauvais esprit, je pense que peut-être on aurait quelque chose qui serait de l'ordre d'une visibilité de raison entre de divergence d'avis, hein. Je pense que l'économie toujours. Et puis enfin j'avais sûrement une remarque, ce que vous m'évoquez, moi ça m'évoque la question de l'épidémiologie en santé au travail, santé humaine plus largement, mais disons la non pas l'épidémiologie qui prouve, mais l'épidémiologie qui ne prouve pas. Je pense que là, il y a quelque chose qui est un facteur de risque pour les salariés, tant que le principe de précaution ne s'appliquera pas en santé au travail. Je pense que c'est vraiment très... J'ai beaucoup de confiance dans l'épidémiologie, mais quand elle ne prouve rien, pour moi... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder. Alors tout ce système repose sur des preuves épidémiologiques. Donc, c'est la faille de ce système. Je prends acte de votre commentaire, mais sur les failles du système, on en trouve un certain nombre, et puis après, il y a aussi un certain nombre de bénéfices. Bon, un certain nombre de substances qui ont été classées et qui ont des conséquences. Voilà, importante, c'est bien aussi de savoir. Sur la base d'études animales, pas forcément d'études épidémiologiques, mais... Faire un développement, mais bon, quand on discute de tableau de maladie professionnelle, de reconnaissance de maladie professionnelle, la seule preuve, disons, avancée, c'est la preuve épidémiologique. Ah bah oui. Voilà. Et c'est particulièrement choquant parce que ces tableaux s'appliquent à des personnes. Les personnes ne relèvent pas de catégorie. Je pense. Ouais. Non, mais c'est vraiment le problème. Là, il y a quelque chose qui est particulièrement, disons, choquant, je le répète, tant que le principe de précaution ne s'appliquera pas. Et même quand il y a de la preuve épidémiologique, il n'y a pas du tout les tableaux en regard. Ah oui, oui. Mais c'est aussi la preuve que ce n'est pas vraiment l'épidémiologie qui pèse au fond, forcément. Parce que même quand la preuve épidémiologique existe, le tableau n'existe pas la plupart du temps. L'argumentaire des experts et des employeurs repose uniquement sur le critère épidémiologique. Ce que vous disiez tout à l'heure pour Pharmavit, c'est exactement. Voilà. Si on avait à discuter une question de tableau, on serait exactement dans le genre de. L'absolutisme épidémiologique est particulièrement choquant dans ce domaine. J'étais intrigué sur la catégorie intermédiaire non isolée. Est-ce qu'on a une idée de comment, dans des procédures de réorientation à fin juridique, émerge cette catégorie Non. Je pense que sur la catégorie en particulier des intermédiaires non isolés, je pense qu'on est dans le cadre d'un. Voilà. C'est un choix du régulateur de dire qu'à partir du moment où on a affaire à quelque chose de transitoire, qu'on ne peut justement pas isoler. La plupart du temps, en plus, c'est dans des conditions strictement contrôlées, a priori. On a bien vu dans le cas du chloracétal, le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont nettoyer des cuves, qui vont les boucher, etc. Mais en gros, l'idée, c'est de dire que c'est dans une cuve, c'est fermé, etc. Et a priori, on n'a pas d'exposition majeure à ce genre de substances. Et puis, en plus, on n'arrive pas à bien les caractériser. Or, la base d'une réglementation... c'est de réglementer des substances qu'on arrive à caractériser, à identifier. Elles ont une identité. On se bat beaucoup au niveau européen sur l'identification des substances. De quoi on parle ? C'est telle substance avec telle impureté, tel additif, etc. Ou c'est une autre... c'est vraiment des enjeux majeurs, hein, l'identification des substances. Or là, ça serait vraiment un gros problème a priori. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une responsabilité de l'employeur à prendre les mesures adéquates pour... éviter toute l'exposition, ce genre de péripéties, entre guillemets, vraiment beaucoup de guillemets, qui arrivent justement dans le cadre de problématiques techniques. Là, le chloracétal, typiquement, ça les bouche, on est obligé d'y aller à plusieurs reprises, et puis on s'expose à des substances qu'on ne connaît pas, d'ailleurs. Mais il n'y a pas d'obligation formelle. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question, mais globalement, la problématique des intermédiaires de synthèse, c'est ça. Il y a aussi des exigences, alors ça c'est pour revenir sur le cadre de REACH, moins importante en termes de production d'informations, de production de nouvelles informations sur ce qu'on appelle les intermédiaires strictement. Alors, il faut qu'ils soient strictement contrôlés pour qu'ils aient ce statut. Mais globalement, tous les intermédiaires de synthèse, qu'ils soient sur site ou pas, il y a une législation qui est allégée, entre guillemets, parce qu'on va considérer que c'est une problématique qui est, on va dire, locale, enfin très localisée. Or, le règlement, il a pour vocation de gérer des problématiques européennes, communautaires. C'est vraiment ça l'objectif du règlement. Et donc des substances qui vont se diffuser, etc. Les problématiques locales, le législateur considère que voilà, il faut appliquer les mesures de prévention maximales et donc les utiliser dans des cadres strictement contrôlés pour que ce soit vraiment considéré comme un intermédiaire de synthèse. Et pour ces substances-là, par exemple, on n'est pas obligé de produire des nouvelles informations, on fait un petit peu avec ce qu'on a, quoi. Mais on montre comment on va utiliser ces substances dans un cadre vraiment contrôlé pour éviter toute exposition de l'être humain. Ouais. Juste une dernière série de questions et puis après, on aura un débat global. C'est forcément une question, mais donc tu nous as dit que bon, quand il n'y a pas de données, on ne peut pas faire de classification, clairement. Et, non, mais je schématise. Hein. Oui, moi aussi j'ai schématisé parce que c'est plus compliqué que ça. Et en même temps, Rich dit nos data de market. Non, mais il y a plus là qui est un peu gênant. Parce que effectivement, il y a un certain nombre de substances sur lesquelles on n'a pas d'informations et qui, bien qu'enregistrées, vont entrer dans la procédure seulement en 2018, pour lesquelles, effectivement, tu l'as dit, on n'a pas forcément toutes les données de cancérogénéité, etc. Et donc, ça, là où je veux en venir, c'est que ça pose problème dans le cadre de la substitution. Parce que, à partir du moment où on a un CMR A ou un B connu, bien défini, on essaye de le substituer. Et bien évidemment, les fabricants, les fournisseurs s'engouffrent dans les possibilités de substitution de substances ou de produits, on va dire, de mélange, qui contiennent des substances qui n'ont pas toutes les données qui permettent effectivement de procéder à une réelle substitution correcte. À tel point, quand on a voulu substituer certains produits dans de grandes entreprises, et quand on s'est adressé aux Allemands, ils ont dit quand on n'a pas de données de cancérogénicité sur une substance qui pourrait substituer une autre cancérogène, on imagine qu'elle est déjà cancérogène, sauf à prouver effectivement qu'elle n'a pas de pouvoir de cancérogénicité. Donc ça, c'est vraiment... Il y a un hiatus là qui est difficile, parce que bien sûr, vous aurez toujours un fabricant ou fournisseur qui va vous proposer quelque chose qui n'est pas classé parce que on n'a pas de données. Voilà. C'est un peu ça le vide, si vous voulez, qui est gênant. Ouais. J'ai une tête, vous voulez intervenir si vous voulez. Oui. Pour reprendre sur ce que disait Alain et ce que vous disiez sur le chlorage 7-5, ça me rappelait la discussion qu'on a eue lors des dernières journées sur le chlorage 7-5. Et il y a eu tout un débat, toute une dispute entre Elena Bernot de NVS et Annie Debomeni sur la question, effectivement, de l'épidémiologie. L'épidémiologie pour le chlorage n'apporte aucune preuve. Mais Annie disait que, sur le plan scientifique, il y avait des preuves de troubles de la génotoxicité du chlorage 7-5, premièrement. Secondo, sur le plan épidémiologique, la difficulté était que le chlorage 7-5 était un intermédiaire de synthèse que l'on trouvait que dans une seule usine en France, avec un petit nombre d'ouvriers exposés. Donc, la force, la puissance de l'analyse épidémiologique est amendrie par cela. Et donc, il faut faire très, très attention à ça. Et dire aussi que dans les autres entreprises au niveau mondial, la synthèse de la vitamine A se passait du chloracétal C5. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin du chloracétal C5 pour faire de la vitamine A. Alors, l'entreprise continue à le faire. Alors qu'ils pouvaient faire autrement. Secondo, sur la question des CMR, sur la directive européenne, il ne faut pas oublier que, et c'est là-dessus qu'on se bat au niveau du groupe travailleur, c'est que la directive ne concerne que les cancérigènes. Et mutagènes. est très peu de mutagène. Ouais. Et les toxiques que prend en production et les disrupteurs, les antagonistes disrupteurs, ne sont pas objets de cette directive. Ouais. Oui. Enfin, les reprotoxiques ne sont pas dans la 2437, ouais. C'est sûr. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais bon, ça, c'est un autre combat. Il faut le quand même le signer. Vous avez raison. Dernière question, et après, on aura un débat sur les deux interventions du masque. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur l'auto-classification ? Dites votre question, s'il vous plaît. À quelle instance sont envoyés les dossiers, précisément, et comment c'est traité ? Quel niveau d'exigence il y a sur ces dossiers-là par rapport aux dossiers ? Alors, c'est assez simple. C'est soit directement via le dossier d'enregistrement, parce qu'on ne va pas refaire les choses deux fois, dans le dossier d'enregistrement pour les substances qui sont dans le cadre de REACH, qui sont concernées par l'enregistrement, l'industriel communique la classification qu'il fait de sa substance. Alors, il communique aussi l'information selon laquelle il a ou il n'a pas de données sur une des classes de danger dont je vous ai parlé. S'il n'a pas de données, c'est pas la même chose que de dire qu'on ne classe pas sur la base de données qu'on a, qu'on ne classe pas par manque de données. Donc, c'est aussi une information qui est communiquée. Mais c'est simplement une procédure administrative pour communiquer la classification qu'on fait de sa substance. Et c'est pareil dans le cadre de l'inventaire des classifications. Quand on n'est pas concerné par un dossier d'enregistrement et qu'on doit communiquer la classification qu'on fait de sa substance, de sa substance, on le communique à l'ECA. Encore une fois, via un dossier administratif en disant ben voilà, j'ai classé pour telle classe, je classe comme si, j'ai des données, j'ai pas de données, des données adéquates ou pas adéquates. Enfin, il y a tout un tas de checkbox là, qu'on peut remplir pour faciliter le remplissage de ces dossiers, notamment par les petites PME, etc. Enfin, c'est la volonté du législateur. Hein. C'est pas une... Voilà, donc c'est comme ça que c'est communiqué. Mais on n'a pas, si vous voulez, de dossier qui nous dit, enfin, de dossier des industriels qui nous expliquent leur argumentaire. C'est purement administratif. Quoi. Si c'était ça votre question. Et la deuxième, j'ai pas. Oui, je voulais. Ouais. Peut-être vous n'êtes plus en tant que. J'ai travaillé dans l'industrie chimique, dans l'industrie pharma. Ce qui m'interpelle, c'est effectivement, quand on a des procédés in situ, on part d'un état, un état B, toutes les phases du process, on les suppose, on n'a pas de modélisation formelle, parce que les outils ne sont pas toujours développés. Mais juste pour vous dire, quand on fait des études de risque, on prend quand même les situations les plus défavorables. C'est-à-dire qu'on part de l'hypothèse que la situation la plus défavorable, c'est celle où les produits les plus dangereux sont émis. Concernant la connaissance de l'état d'un procédé à un moment donné, si on a une fuite, vous avez raison. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire des modélisations d'évolution de procédé in situ. C'est juste, c'est pour ça qu'on part toujours sur plus défavorable. Après, concernant les dossiers, quand on est fabricant de matières actives, je suis dans l'industrie pharma, ou de produits, on fait quand même nos propres, parce qu'il n'y a personne qui le fait à notre place aussi, on fait quand même un certain nombre d'études pour pouvoir savoir. On en a besoin pour l'utilisation de procédés, mais on en a aussi besoin pour la connaissance des risques. Je ne crois pas que l'industriel n'ait pas envie de savoir. Après, est-ce qu'on a les moyens ? En France, on n'est pas si bien pourvu que ça, en organisation, en laboratoire, pour nous fournir la prestation de tout ce dont on a besoin. C'est aussi un état français. Hein, on va aussi chercher dans les laboratoires des soutiens techniques à l'extérieur de la France, parce qu'on n'est pas toujours très fourni. C'est peut-être notre culture qui doit évoluer. C'est aussi... Et on n'attend pas qu'il y ait un terme de maladie professionnelle pour pouvoir faire une action sur le terrain. Enfin, je trouve que c'est une vision... En plus, en France, on a beaucoup de tabous de maladie professionnelle, probablement le pays qui en a le plus dans le monde. Bah, oui, bien sûr. Voilà. Mais comparativement, ce que mon point de tout à l'heure, juste pour préciser, c'est que si on reste sur le cancer, il y a 22 tableaux qui font mention du cancer. Mmh. Et si on fait l'hypothèse que c'est les données épidémiologiques qui sont limitantes, c'est vrai qu'en partie, parce qu'il y a beaucoup plus que 22 combinaisons de cancer et d'agents cancérogènes qui ont été mis en évidence de manière courante, notamment par l'épidémiologie. Donc c'est juste pour dire qu'il y a bien d'autres mécanismes qui sont à l'œuvre dans la décision de créer ou de ne pas créer des tableaux. Après, que la France soit dans une situation assez exceptionnelle malgré tout par rapport à d'autres pays, c'est un fait, mais il faut mieux niveler par le haut que par le bas, je pense. Je suis d'accord, voilà. Mais c'est un constat d'échec que j'avais en tête. Bien sûr. Et de préparer le système de reconnaissance ou de compensation ou de déclaration. Il faut agir sur les deux fronts en même temps. Je pense que les réglementations en cours, même si elles sont d'une complexité sans nom, et font intervenir beaucoup trop d'interlocuteurs pour un industriel lambda, c'est très compliqué. Je pense qu'elles ont une bonne finalité, c'est celle effectivement de partager, ce qui n'était quand même pas commun avant, de partager la connaissance et peut-être de la filtrer. J'ai un petit peu de compréhension sur la bataille française pour le formaldéhyde, le cassant du formaldéhyde. Je ne comprends pas très bien pourquoi il y a eu tellement d'efforts de la part de la France pour cet aspect-là. Et alors, je vais rebondir sur autre chose. L'Allemagne vient de reconnaître une pathologie liée à l'exposition à l'acide sulfurique. Et quand j'ai commencé à travailler dans une industrie américaine en 1987, on me disait déjà qu'il fallait faire attention avec l'acide sulfurique à cause de ce risque-là. Et ça, par contre, on ne s'est pas battu là-dessus. Et donc, je m'interpelle, en fait, sur ce qui va faire la sensibilité ou la priorité d'un sujet par rapport à un autre. Et surtout par l'État. Oui, alors, le formaldéhyde, c'est quand même une longue histoire, une vieille histoire, hein, qui ne démarre pas avec l'ANSES, hein, qui démarre avec l'INRS, avec le constat, et avec, d'ailleurs, les travaux du CIRC, qui classe le formaldéhyde rien. Et donc, à partir de ce moment-là, dès que le CIRC fait un certain nombre de classifications, ça interpelle, si vous voulez, les pouvoirs publics, le grand public, les travailleurs. Et donc, la France a choisi de regarder le dossier du formaldéhyde pour voir si cette évolution de la classification du CIRC, elle avait des conséquences sur la propre classification de l'Union européenne. Parce que, encore une fois, il y avait vraiment beaucoup de débats, en tout cas de questionnement des pouvoirs publics sur pourquoi le CIRC classe et que c'est toujours en catégorie 3 au niveau européen. Donc vous êtes obligé à un moment donné aussi de vous en parler de la question et d'élaborer une expertise et de rendre un avis. Donc après, et on est dans toute la dynamique des dossiers, et puis en plus on a eu Rich qui est venu, le CNP et Rich qui sont venus en même temps qu'on était en train de travailler à l'époque à l'INRS sur la classification du formaldéhyde. Donc ça a retardé un peu les choses, et c'est pour ça qu'on n'en est qu'en 2012 à un avis du RAC sur le formaldéhyde, mais globalement c'était un peu pour cette raison. Après, comment on va identifier les nouvelles substances à classer, c'est vraiment une veille active sur les substances chimiques d'une manière générale. Ce qu'on fait, c'est qu'on identifie les nouvelles études sur des substances comme on peut, avec des systèmes à l'agence qu'on a de veille informationnelle qui pourraient présenter, on va dire, un argument supplémentaire pour réviser la classification. On est parfois même interpellé directement par des industriels ou par des associations de consommateurs, de défense des travailleurs, etc., sur des substances. Et après, les arbitrages se font généralement sur la base de la population qui est concernée. C'est-à-dire que plus on a de gens concernés, plus le risque est important a priori, plus on va aller vite sur cette substance sans oublier les autres. Et il y a une répartition comme ça qui se fait un petit peu naturellement entre les différents États membres. Voilà un petit peu la manière de fonctionner. Mais on ne s'est pas focalisé ou acharné sur le formaldéhyde. C'est-à-dire que la procédure... Mais non, mais ça a duré longtemps. On a sorti un texte dans le Code du Travail qui disait que toute activité avec le formaldéhyde devait être classée... Moi, je parle de la classif. Je ne parle pas des conséquences politiques. Je parle vraiment de la classif. L'acharnement, si vous voulez, des mesures réglementaires. Non, mais si je comprends bien, c'est que globalement, c'est pourquoi on a focalisé. Honnêtement, je pense que je ne suis pas le mieux placé pour en parler. En revanche, c'est pourquoi on a décidé de travailler sur le formaldéhyde. Parce qu'on avait une controverse publique. Et si vous voulez, c'est vraiment notre rôle... d'agence sanitaire, de lever les doutes sur ce genre de controverses et de proposer notre vision des choses. Et le dernier point, c'est sur le bisphénol A aussi, si vous voulez. Et à un moment donné, quand on voit, et ça c'était juste simplement une étude un petit peu historique du processus de classification, quand on a vu à l'agence globalement qu'on avait dans un premier temps une substance qui était classée 2, proposée en catégorie donc 1B par les Anglais, et puis déclassée, on ne savait pas exactement pourquoi, à l'occasion d'un vote dans le comité à l'époque, qui était le comité un petit peu analogue, le comité du RAC, qui était déclassé en catégorie 2, encore une fois, hein, sans vraiment d'explication, on n'a pas retrouvé, si vous voulez, les argumentaires scientifiques à l'époque, et qu'on voyait les études qu'on avait à disposition pour la classification, on s'est dit, tiens, il y a quand même un truc, quoi, on va regarder. Et puis, bon, on parle aussi d'expertise en cours à l'ANSES sur le bisphénol. Ah, mais c'est un peu ce genre de choses qui nous vient. On a des remontées des CARSAT sur des fiches de données de sécurité qui, à un moment donné, c'est le même processus. une substance qui s'appelle la quinoline, qui est beaucoup utilisée en industrie. C'est une CARSA qui nous interpelle en disant que la FDS a changé plusieurs fois, catégorie 2, catégorie 3, et qu'on ne comprenait pas vraiment. Est-ce qu'on pouvait, nous, apporter notre vision des choses? Et quand on rentre dans le dossier et qu'on voit les études à disposition, on fait un dossier, quoi. Si on juge qu'il y a matière à faire un dossier de position de classification. Et donc, là, c'est ok. Pardon, oui. Je vois qu'on débat. Oui, là, il faut qu'on s'arrête.